tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, bienvenue au lycée professionnel, une série de Perrine Kervran réalisée par Doria Zénine et Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a une réforme qui ne passe vraiment pas. Des profs amers mais dévoués et des lycéens à la lucidité parfois douloureuse. Et il y a ce monde du travail en miniature que sont les LEP et la longue histoire de l'enseignement professionnel qui fait comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors pour commencer, les personnages. Un historien infatigable, un ancien prof devenu chercheur, deux sociologues qui détricotent, un ex-ministre qui persiste, un sociologue pessimiste, un autre optimiste, des profs remontés et un directeur général de l'enseignement. Ensuite, le décor, la lutte des classes, des réformes à n'en plus finir, le chômage, de bonnes et de moins bonnes intentions, la colère, la résignation et des inégalités qui se creusent. Aujourd'hui, 4e épisode, on déroule les archives. Bonjour, je m'appelle Omar Maga. Je suis en classe de 2 CAPM dans un lycée de mécanique. S'il vous plaît, ça tourne. De l'Obel d'Orient, j'ai 18 ans et je suis en première cuisine au lycée Senet. Alors, le lycée Henri Senet d'Hénin Beaumont, c'est un lycée de 1500 apprenants répartis sur plusieurs catégories. Nos secteurs sont assez étendus. Nous allons du secteur industriel avec de la chaudronnerie industrielle, la construction de carrosserie et de la maintenance automobile, au secteur de restauration traditionnel, cuisine et services, en passant par le secteur commerce et gestion administration, où là où nous avons une carte assez étendue qui va du CAP à la licence professionnelle. Donc nous allons aller vers les cuisines pédagogiques de l'établissement et le restaurant d'application qui est juste derrière. Un CET, un collège d'enseignement technique, qu'est-ce que c'est ? Un établissement où se forment, dans l'harmonie, de futurs ouvriers qualifiés, des employés de bureau compétents. Un établissement où chaque maître est à sa place et mis dans les conditions où il peut se rendre le plus utile. Ou bien une école où l'on est venu sans trop l'avoir voulu, qu'on soit maître ou élève, et dont les débouchés sont fâcheusement incertains. Le point du 7e jour, un CET parmi tant d'autres. Petite histoire de l'enseignement professionnel. Des reportages dans des lycées, dans des écoles primaires, au collège, à l'ENA, à Sciences Po, à Saint-Cyr, en sport-études, au cadre noir de Saumur, à l'école alsacienne, en passant par le lycée autogéré, Henri IV ou les myriades d'écoles Montessori hors de prix, il y en a des centaines dans les archives de la radio. Et on en refait à chaque annonce. Réforme des programmes, dédoublement de classe, distribution de lait à la récré, anglais en primaire, drame de l'école le mercredi matin, chorale de rentrée, avec ou sans voile, pour ou contre la suppression de la philo, du latin, des classes bilingues. Bref, il est clair que ceux qui enregistrent ces reportages ne fréquentent pas trop les lycées professionnels, sauf si c'est l'école boule. Et ils n'y mettent pas vraiment leurs enfants, sauf accident de parcours. Alors forcément, c'est triste à dire, mais c'est un peu l'angle mort. Pas d'archives de cours de mécanique, de coiffure ou de maçonnerie. Et réforme après réforme, les heures disparaissent, les programmes s'appauvrissent et il n'y a pas des masses de gens pour s'indigner, moi y compris. Bref, comme tout le monde autour de moi, jusque-là, j'ignorais tout du LP, le lycée professionnel, de son fonctionnement et encore plus de son histoire. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, le peu de chercheurs qui travaillent cette histoire-là ne sont pas là par hasard. Alors, Orlan et Jean-Louis. Alors, Jean-Louis a fait les pesées pour faire le glaçage miroir, donc on va s'en occuper. La gélatine ramollie est ici, donc on va utiliser le chocolat blanc. Alors Orlan, tu nous expliques comment on fait le glaçage miroir au chocolat blanc. On doit ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Dans une ruse, on mélange l'eau, le sucre et le glucose. Alors, l'eau, le sucre et le glucose mélangeons. Et le blanc, on va mettre dans la ramollie. Oui, ça mène ensuite à 103 degrés. Tu vas galérer avec ça. Continue. Il faut faire chauffer le mélange à 103 degrés. Et après, à part, il faut faire chauffer l'eau et le lait concentré sucré. Voilà, donc il nous reste, dans une autre ruse un peu plus petite, on va mettre l'eau, le lait concentré sucré à chauffer. Je vais allumer une plaque. Vincent Troget, vous êtes chercheur en sciences de l'éducation et en histoire. Vous étiez vous-même enseignant en lycée professionnel. Peut-être que vous nous racontez comment vous en êtes arrivé justement à avoir envie de travailler sur l'enseignement professionnel, à faire de la recherche autour de ce thème-là. Nous, on est d'une génération où le CAPES avait été assez sévèrement... Moi, j'ai passé le CAPES en 77. Donc, c'était Raymond Barre et c'était le premier serrage de vis du budget de l'État à l'époque. Et donc, ils avaient diminué les postes drastiquement. Et donc, on avait beaucoup de mal avec mes copains étudiants. Étudiant en quoi ? Moi, j'étais en histoire. Et puis donc, j'échoue la première fois. Je comprends que je vais échouer la deuxième aussi, parce que je voyais bien que j'arrivais pas à bosser assez intensément pour ça. Et puis, j'ai demandé un poste de contractuel. Et on m'a envoyé dans un lycée professionnel. Bon, j'ai été rattrapé par mes origines, mes études, bon, etc. Donc j'ai cherché un sujet et en même temps j'étais un peu absorbé par cette institution parce que les profs disent à la fois le problème c'est les élèves mais la solution c'est les élèves. C'est-à-dire à la fois ils sont très fatigants, agressifs, pénibles, etc. Mais en même temps ils peuvent être très attachants. C'est-à-dire une fois que vous arrivez à établir le contact, vous avez un sentiment d'utilité que vous avez sans doute moins dans un collège ou dans un lycée. Donc j'étais quand même assez... j'avais pas envie de quitter, par exemple, j'avais pas du tout envie de repasser le CAPES ou une chose comme ça, ou même la grègue. Et donc, en même temps, je me suis dit, au bout d'un moment, mais d'où ça sort cette institution? Parce que c'est quand même assez étrange. Hein. Quand vous rentrez dans un lycée professionnel, vous avez des mini-usines, vous avez des ateliers qui travaillent le métal comme dans une usine, vous avez des ateliers qui fabriquent des charpentes comme dans une entreprise, des gens qui font des ateliers de vente comme dans un magasin. Enfin bon. Donc c'est assez étonnant. Et donc je me suis dit d'où ça vient et je me suis aperçu qu'il n'y avait rien. J'ai découvert que c'était un sujet qui n'avait jamais été travaillé par l'histoire d'éducation. J'ai un parcours, je dirais, classique, employant les grands mots, de fils du peuple, hein, l'école primaire, le cours complémentaire, l'école normale d'instituteur. Guy Brussy, chercheur. Je suis donc devenu professeur de lettres histoire dans un collège d'enseignement technique, ce qui n'existe plus non plus, on va dire que c'était les grands-pères des lycées professionnels actuels. J'ai continué ma carrière, j'ai été successivement formateur de professeurs, ensuite inspecteur. Je pense connaître un sujet de l'intérieur, ça aide beaucoup, parce qu'on est en empathie avec le sujet, à condition de se déprendre de tous les points de vue qu'on peut avoir a priori, et de prendre la distance nécessaire pour avoir un regard critique, voilà. En fait, je me suis mis à travailler dessus parce que mon frère passait un CAP en maçonnerie en apprentissage et que le caractère très dissemblable de nos trajectoires scolaires m'avait assez frappé. Hugo Paletta, chercheur. Et j'avais pu constater par ailleurs dans mes études que la voie professionnelle était très peu étudiée. Et je me suis dit que c'était un bel objet de recherche et une manière aussi de faire un peu de, comme dirait Bourdieu, d'auto-socio-analyse. Puisque je venais par ailleurs d'une famille dans laquelle on a beaucoup passé par la voie professionnelle et j'ai un peu une exception. Mais en tout cas, du coup, j'avais envie de travailler sur cet objet-là. Et voilà, donc c'est tout ça que j'avais en tête quand j'ai commencé à travailler sur la voie professionnelle. Lorsqu'on regarde par exemple les sociologues ou les historiens qui ont travaillé sur l'enseignement professionnel, il y a un rapport biographique qu'il faut construire et réfléchir entre le chercheur et ses objets de recherche. C'est un objet qui est peut-être... pas très légitime. Enfin, il y a une hiérarchie endogène des objets de recherche, même en sociologie. Alors, est-ce qu'il faut faire un rapport entre le statut de ceux qui travaillent sur ce secteur-là et la hiérarchie des objets? Je ne sais pas. Mademoiselle, ici, comme les autres, vous apprenez pour être secrétaire. Oui. Ça va? Non, non, j'aime pas du tout. Dans l'émission Le Point du Jour, en 1974. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Je ne sais pas, moi, quitter l'école. Qui vous empêche de le quitter? Si, je vais la quitter. Très prochainement. Ce soir. Ce soir? Ah, je suis bien tombée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer comme dactylo. Et puis je vais faire plus tard des cours de sténo. Pour après être sténodactylo. Mais il y a une chose qui me surprend. Vous quittez la classe pour aller apprendre ailleurs, ce qui vous permettra d'être secrétaire. Je ne vois pas pourquoi vous faites ça. Parce que ça me plaît pas du tout l'école et puis il y a des cours, on fait comptabilité et commerce, puis ça me plaît pas, alors pas du tout. Si vous deviez, Gilles Moreau, choisir une borne pour commencer à raconter comment s'est constitué l'enseignement professionnel, vous penseriez à quelle date, quelle loi, quel point de départ ? Alors moi je prendrai la loi Astier de 1919 parce que je crois que c'est la première loi qui a exprimé une volonté publique de faire un enseignement professionnel de masse, hein, puisque la loi disait que tous les jeunes gens et les jeunes filles de moins de 18 ans qui travaillaient, et je rappelle qu'au début du XXe siècle, ben, ils étaient très nombreux, puisque l'école primaire s'initiait à 12-13 ans, hein. Donc tous les jeunes gens et les jeunes filles de moins de 18 ans qui travaillaient devaient suivre des cours professionnels. Alors c'était pas des cours à plein temps, c'était des cours sur le temps de travail, plus rares, souvent en dehors du temps de travail, mais il y avait une volonté politique vraiment de former techniquement, professionnellement, l'ensemble des jeunes qui travaillaient. Mais il y a d'autres éléments. Autrement dit, cette loi, c'est la convergence ou la confluence de plusieurs intérêts, plusieurs centres d'intérêt qui ne sont pas nécessairement convergents. D'ailleurs, hein, donc il y a d'une part les industries nouvelles qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée qui ne la trouvent pas. On a les syndicats qui commencent à se développer, qui dénoncent l'exploitation des jeunes au travail. Et puis le troisième facteur, c'est la République. La Troisième République qui vient de se mettre en place, qui est encore fragile à la fin du 19e, et puis surtout qui voit monter avec inquiétude le mouvement ouvrier, le mouvement anarcho-syndicaliste, et alors plus tard, bien sûr, avec la révolution russe, le bolchevisme, et qui fait le pari qu'en fin de compte, la formation professionnelle sera un moyen d'intégrer cette classe ouvrière qu'on craint un petit peu, hein, de l'intégrer au jeu républicain. Et qu'est-ce qu'elle va mettre en place, la loi Astier, concrètement ? Quelque part, cette loi commence à lancer l'idée d'une alternance. Alors, certes, la plupart du temps, c'est en entreprise, et il y a les cours du soir pour compléter, mais il y a cette idée que les deux peuvent se marier, s'allier. Le deuxième grand effet, et pour moi, il est important de la loi Astier, c'est qu'elle crée un diplôme, qui va être le diplôme des ouvriers et des employés au XXe siècle, qui est le CAP. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que avec le CAP, en tant que diplôme, on fait tomber le savoir professionnel dans le domaine public. Et c'est pour ça que c'est l'État qui s'en mêle, en quelque sorte, hein, qui se donne un droit de regard, pas excessif, mais juste un droit de regard, un droit de présence dans les jurys, des harmonisations sur les contenus. Autrement dit, il fait de ce savoir professionnel un bien public auquel tout le monde peut prétendre, même si, bien sûr, tout le monde n'y accédera pas. À mon avis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une première période, donc de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30, pour faire simple, une période dans laquelle la doctrine, y compris de la direction de l'enseignement technique, c'est-à-dire, on est bien d'accord, du ministère, du point de vue de l'État, c'est de dire l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, c'est l'expression qu'ils employaient, tout par la profession et tout pour la profession. C'est-à-dire, on est totalement convaincu que c'est aux employeurs de déterminer leurs besoins et de déterminer les modes de formation. On leur fixe un cadre tout de même, un cadre en termes de programme, de modalités d'examen, etc. Mais c'est un cadre relativement souple et on leur fait totalement confiance. Alors, quelque chose que nous avons beaucoup de mal à imaginer, nous, aujourd'hui. Je vais donner un exemple concret. Ce qu'on appelle aujourd'hui les conseils d'administration d'un lycée, celui qui le présidait, c'était un employeur. Et le directeur de l'école, ce qui serait le proviseur aujourd'hui, n'a même pas de voix délibérative. C'est-à-dire il doit se plier à ce que décident les patrons locaux. Et il y a un basculement qui s'opère dès les années 20, très tôt en fait. C'est que les patrons des grandes industries s'aperçoivent que, à force de vouloir faire quelque chose de très ajusté à des besoins locaux, à des demandes patronales très précises, on perd en autonomie des travailleurs, on perd en qualification plus générale. Et c'est eux qui sont les premiers à demander à ce qu'on, entre guillemets, nationalise les formations et les diplômes. Autrement dit, à ce que les contenus de formation, les programmes pour les diplômes et les diplômes eux-mêmes soient nationaux et non plus locaux. Mais c'est un saut que nous avons du mal à imaginer. Moi, j'ai dénombré, mais c'était par centaines qu'on comptait des CAP différents pour un même métier. Alors, dès la loi Astier, il y a une idée forte qui anime ce qui s'appelle la direction de l'enseignement technique au ministère, qui est que l'enseignement professionnel doit former l'homme, le travailleur et le citoyen. C'est la formule qui est utilisée. Alors, le travailleur, on comprend bien, sur les savoir-faire, sur les qualifications. L'homme, c'est au sens de l'humain, hein, et le citoyen. Alors ça renvoie aussi au souci qu'avait la Troisième République d'intégrer la classe ouvrière dans le jeu républicain, dans la société, pour éviter qu'elle ne bascule du côté du syndicalisme révolutionnaire, d'une part. Mais c'était aussi un moyen de contrer les entreprises, les patrons. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire que le savoir professionnel n'est pas seulement la répétition de gestes ou l'apprentissage de gestes, et qu'il porte ce qu'on appelle à l'époque une culture technique. C'est l'idée que ça serait une culture tout aussi émancipatrice que la culture académique, autrement dit la philosophie, historiquement, et qui aurait donc ses vertus émancipatrices et ses vertus de mobilité sociale associées à l'entrée dans le savoir par la technique. Et ça perdurait jusque là encore dans les années 70, parce qu'il y avait cette idée qu'on pouvait aussi s'élever, qu'on pouvait bouger socialement et qu'on pouvait surtout s'émanciper socialement avec le savoir technique. L'enseignement technique ne doit être à aucun degré le dépotoir, l'orientation a pour but de donner à chacun, à chaque type d'enseignement, ses possibilités, de les mettre au même degré de dignité et de fournir à tous des situations qui, qu'elles soient techniques, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient littéraires ou autres, ont leur même dignité, leur même importance et leur même valeur pour la nation. Georges Pompidou évoque l'enseignement technique en 1968 dans Interactualité, et son discours semble encore étrangement familier. Le terme de brevet technicien n'a jamais eu dans ma bouche et dans mon esprit une valeur péjorative. Le terme de brevet technicien vaut largement celui de bachelier ès-lettres. Le seul problème, c'est de savoir si l'on est capable d'exercer une fonction et si on a été mis en mesure de l'accomplir. Historiquement, l'enseignement professionnel a été créé à la fin du 19e siècle et il a été longtemps une filière d'excellence. Fabienne Maillard, chercheuse. Il y avait un concours d'entrée. On n'entrait pas en CAP sans concours, et le CAP était un diplôme qui durait 3 ans, qui était extrêmement difficile à obtenir. Donc il y avait une sélection à l'entrée et à la sortie, et seuls les meilleurs élèves pouvaient accéder à la formation. Donc c'était une formation malthusienne, très élitaire, très exigeante, avec des épreuves extrêmement longues et difficiles, et des patrons qui voulaient avoir une main-d'œuvre très solide, hein, très qualifiée, avec des connaissances et des compétences, et capable donc de s'adapter, d'affronter les évolutions technologiques, puisque le CAP était souvent le dernier diplôme qu'on pouvait avoir pour toute la vie. Bien, alors nous allons prendre une autre auditrice au 525-42-42. Bonjour madame, c'est à vous, allez-y. Posez votre question. Oui, c'est à vous. Allô, bonjour madame. Voilà, je viens exposer le problème que j'ai avec mon enfant qui est dans sa 14e année. Oui. Il va à l'école de province, j'ai été trouver son institutrice. Il est en 5e de transition. En 1974, dans Interfemmes, l'orientation est déjà le cauchemar des parents. Et alors, comment j'aurais aimé, parce que l'enfant voulait faire la mécanique générale, alors je voulais avoir des renseignements à ce sujet, parce que ça m'ennuie qu'un petit gars de, quand même de 14 ans, bien sûr c'est un petit homme, mais qu'à 14 ans il s'en aille déjà chez un patron, alors j'aurais préféré qu'il soit dirigé sur une école. Madame Dassonville. Eh bien madame, vous pouvez le mettre pendant un an dans une section qui est uniquement scolaire, c'est la classe pré-professionnelle de niveau. Et c'est simplement à 15 ans qu'il pourra, à ce moment-là, si les résultats scolaires sont valables, peut-être, envisager la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle dans un collège d'enseignement technique. Alors, à partir de quel moment est-ce que l'enseignement professionnel se scolarise, Gilles Moreau ? Alors, on a très nettement un basculement qui s'opère au lendemain de la guerre 39-45. Le lendemain de la guerre 39-45 pose des problèmes nouveaux. D'abord, il y a ceux de la reconstruction. Il y a ceux portés par la résistance de reconstruire quelque chose de nouveau. Et tout ça va faire que l'État va avoir un poids beaucoup plus présent dans la restructuration qui s'opère à ce moment-là. Alors, les cours Astier de la loi Astier continuent à exister. Mais en fin de compte, au lendemain de la guerre 39-45, on prend appui sur des cours professionnels qu'avait mis en place le régime de Vichy, alors qui servait avant tout à contrôler la jeunesse, hein, plus qu'à former professionnellement. On prend appui là-dessus, on les rattache au ministère de l'Éducation nationale pour en faire ce qu'on appelait à l'époque les centres d'apprentissage, mais qui sont les ancêtres des lycées professionnels. Ces centres d'apprentissage vont être très régulés par l'État. On crée un réseau pour former les professeurs qui interviennent dans ces centres d'apprentissage, qui sont les ENNA. On crée des commissions paritaires consultatives où les entreprises et le ministère échangent ensemble sur les contenus des diplômes préparés, notamment du CAP. Et puis la réussite de ça, c'est une alliance assez improbable, historiquement, pour dire vite, grosso modo, entre la CGT et l'Union des industries métallurgiques et minières. Autrement dit, entre un syndicat et une grande branche d'employeurs. Alors pourquoi je la qualifie d'assez improbable ? Parce que la CGT, jusqu'avant la guerre, avait été assez indifférente aux questions de formation professionnelle. Le discours est assez facilement que les écoles professionnelles, c'est les écoles des patrons. Et elle va changer de point de vue au lendemain de la guerre 39-45, notamment parce qu'elle y voit, parce que d'abord, elle va être très présente par les enseignants qui interviennent dans ces centres d'apprentissage, dont une partie sont des anciens ouvriers. Donc je dirais, en même temps qu'on apprend le métier, parfois on vend les cartes syndicales, hein, au lendemain de la guerre 39-45. Et puis on apprend aussi la condition salariale et la condition de lutte, hein, c'est les mots à l'époque sont dits volontiers. Ça, c'est le premier élément. Et de l'autre côté, on a l'Union des industries métallurgiques et minières qui a besoin de main-d'œuvre rapidement formée pour la reconstruction, qui ne la trouve pas dans ce qui reste des cours Astier, qui va soutenir fortement, comme la CGT, ces centres d'apprentissage au lendemain de la guerre. Et là, on va rentrer sur une époque qui va durer des années 50, enfin 45, jusque dans les années 70, où c'est vraiment le primat de l'apprentissage professionnel en établissement scolaire, pleinement en faveur de ce que l'historien Antoine Pro a appelé la scolarisation des apprentissages. Finalement, tout le monde y trouvait son compte. L'éducation nationale qui récupérait ses élèves, qui assurait leur préparation à un moment où, sur le plan économique, on se lançait dans la reconstruction. Corinne Gleyman. Et ben, le patronat qui déléguait à l'État une formation qui avait un coût certain. Donc, on a défini le projet et donc, il y a eu des débats à l'époque, hein, des débats assez importants pour savoir d'une part si on ne ferait que de l'enseignement professionnel ou si on maintiendrait de l'enseignement général. On a décidé de maintenir de l'enseignement général. Puis ensuite, on s'est posé la question de savoir quel type d'enseignement général on dispenserait. Un enseignement essentiellement fonctionnaliste, c'est-à-dire qui servait finalement le métier auquel les élèves se préparaient, ou bien un enseignement plus vaste, un enseignement dit humaniste. Là aussi, c'est l'enseignement humaniste qui l'a emporté. Villiers le Bel est dans la banlieue nord de Paris, au point où la petite banlieue devient décidément grande banlieue. Il y a là des espaces libres. Le CET a été créé d'une façon très rapide en 1968, lorsqu'on a appliqué l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Le point du 7e jour, en 1974, au CET de Villiers le Bel. Il a donc fallu très rapidement scolariser des enfants qui, jusqu'à 14 ans, devaient aller à l'école précédemment et qui, brusquement, ont dû poursuivre leur scolarité jusqu'à 16 ans. Il y a donc eu une population scolaire très importante qu'il a fallu scolariser dans des délais très rapides et sans que, pour autant, les locaux aient été prévus pour les accueillir. C'est la réforme Berthoin qui est faite en 59, qui prolonge la scolarité obligatoire de 14 ans à 16 ans. Là, on s'aperçoit en fait que les collèges qu'on est en train de monter à l'époque, hein, les collèges d'enseignement secondaire et puis les collèges d'enseignement général, ne vont pas pouvoir accueillir tous les flux. Et donc, il va falloir que l'enseignement professionnel y prenne sa part. Jusque-là, il y avait un examen d'entrée pour rentrer dans l'enseignement professionnel après la cinquième. Donc, on décide de supprimer cet examen d'entrée pour, si vous voulez, finalement fluidifier la rentrée et donc pouvoir accueillir l'ensemble de ces élèves. Et donc, on va accueillir finalement d'autres élèves, en partie les élèves que le collège ne va pas vouloir garder, donc les élèves en difficulté. Et peu à peu, on voit, si vous voulez, les élèves les moins performants selon les normes scolaires classiques, bah, être aiguillés vers l'enseignement professionnel. Alors, pourquoi ça s'accentue dans les années 70? Bah, parce que là, si vous voulez, bon, il y a la montée du chômage, qui est évidente. Et on voit que les diplômes, enfin, il vaut mieux être diplômé pour avoir un travail que de ne pas l'être, mais même si on est diplômé, la fonction intégratrice du diplôme pour trouver un travail a tendance à baisser. Bien, il suffirait de bien former pour qu'on trouve du travail. Or, le raisonnement des politiques est très simple. Qu'est-ce qui est chargé de former la masse des salariés? Ce sont encore les collèges d'enseignement technique, bon, on va dire les lycées professionnels pour faire plus vite l'enseignement professionnel. Donc, si on a des chômeurs, c'est que le professionnel ne fait pas correctement... Vous voyez, un raisonnement qui paraît très séduisant, mais il est faux. Bon, donc il faut réformer l'enseignement professionnel. Or, à ce moment-là, si vous voulez, ça entre en convergence avec le développement de la formation continue et de la formation continue dans les entreprises. Dans les entreprises, la formation continue fonctionne selon, vous savez, c'est la logique des compétences, des objets, de la pédagogie par objectif, etc. Les inspecteurs généraux se disent... Eh bien, on va aller s'inspirer des méthodes en cours dans les entreprises. Donc, vous voyez, il y a une espèce de transvasement qui s'effectue du monde de l'entreprise vers le monde de l'éducation nationale, en tout cas vers le monde de l'enseignement professionnel. On s'inspire de ces méthodes. Et ça correspond également au début d'une période où le patronat, alors à l'époque encore le CNPF, puis après le MEDEF, revendique un vrai pouvoir en matière de formation. Interactualité en mai 1985. Bientôt des bacs pro. Jean-Pierre Chevènement lance l'idée du baccalauréat à vocation professionnelle, un bac qui devrait déboucher directement sur un emploi. Une vingtaine de ces nouveaux bacs cohabiteront dans les 5 ans à venir avec les baccalauréats traditionnels. Ils se prépareront dans des lycées professionnels et concerneront les élèves déjà titulaires d'un BEP ou d'un CAP. Pour le ministre de l'Éducation nationale, 180 000 jeunes posséderont ce baccalauréat d'ici l'an 2000. Alors, il s'inscrit, ce bac professionnel, dans une histoire. Daniel Bloch, ancien président de la mission École-Entreprise pour Jean-Pierre Chevènement. Une histoire qui démarre avec ce qu'on appelait à l'époque les séquences éducatives en entreprise. Alors, qui était introduite par une négociation entre un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Christian Belac. C'était un ministre qui avait eu des responsabilités importantes chez Renault. Et donc, il connaissait bien l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, il y avait André Henry, qui était secrétaire général de la Fédération de l'Éducation nationale. Donc, auparavant, avant donc 79, eh bien, ceux qui préparaient, les élèves qui préparaient des diplômes professionnels au sein de l'Éducation nationale n'avaient aucune période de formation d'entreprise. Aucun stage, aucune alternance. Tout se passait dans les locaux de l'école, de lycée, du collège et de l'école. Donc, c'était vraiment une innovation. Et il a fallu donc beaucoup de courage aux uns aux autres pour faire accepter à certains que l'entreprise puisse être un lieu de formation comme un autre. On peut en sourire aujourd'hui, mais c'est ainsi. Et pourquoi c'était une telle difficulté de proposer Parce que l'entreprise, c'était le diable. Et l'éducation nationale, c'était le paradis. Autrement dit, il y avait une image de marque de l'entreprise qui était désastreuse parmi un nombre de personnels d'éducation nationale. En fait, c'est comme un retour au point de départ. Il a fallu des années de bataille au sein du ministère de l'Éducation nationale pour reprendre la main sur l'enseignement professionnel qui était au départ dominé par le patronat local et y injecter de la culture générale et des enseignements fondamentaux. Et puis, peu à peu, les entreprises sont revenues. Elles ont pesé sur la création et la suppression des diplômes, sur la part réservée aux enseignements généraux qui diminue au profit des stages. Bref, la parenthèse scolaire ouverte avant-guerre est en train de se refermer. Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il fallait réformer l'enseignement professionnel à l'époque ? Il fallait lui donner des objectifs qui correspondent aux besoins du pays. Et de toute évidence, l'enseignement professionnel donné à l'époque dans des LEP, lycées d'enseignement professionnel, ne débouchait que sur des formations très courtes et insuffisamment valorisées. Il s'agissait de CAP ou de BEP. Donc j'ai souhaité, dans le cadre d'un programme plus général, 80% des élèves au niveau, je précise bien, au niveau du baccalauréat, pas forcément bachelier, car je n'ai jamais été partisan d'en rabattre sur le niveau d'exigence. Hein, il s'agissait de faire en sorte que la France prenne le tournant de la formation, de la qualification. Nous avions besoin, en tant que grande économie industrielle moderne, d'avoir des élèves mieux formés, mieux qualifiés. Et donc Daniel Bloch a réuni un certain nombre d'experts, a réuni des gens qui venaient des branches professionnelles, et m'a fait un certain nombre de propositions, dont la principale était la création des baccalauréats professionnels. Donc, à partir de la rentrée 1986, et même dès 85 à titre expérimental, nous avons juxtaposé trois sortes de baccalauréats. Le baccalauréat général, le baccalauréat technologique tel qu'il se fait dans les lycées d'enseignement technologique, et puis le baccalauréat professionnel qui se fait dans les lycées professionnels. Et naturellement, il s'agissait à la fois de répondre mieux aux besoins de l'économie, mais en même temps de garder un niveau d'exigence, notamment dans les matières générales, qui ne feraient pas de ces bacs professionnels des bacs au rabais, mais des bacs de plein droit, pouvant autoriser, dans certaines limites, la poursuite en études supérieures. Néanmoins, je dois dire que l'objectif n'était pas la poursuite d'études supérieures, l'objectif principal était d'élever le niveau de formation et de qualification des élèves et de restaurer la dignité de l'enseignement professionnel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme motif pour créer ce bac professionnel à l'époque ? Alors, pour moi, nous avions certains signaux d'alerte venant du monde économique sur, en gros, le positionnement des bacs technologiques. Benoît Bouix, ancien secrétaire général des branches professionnelles. Les grands secteurs industriels nous disaient « c'est un profil qui nous intéresse et il n'y en a plus sur le marché du travail ». Et c'était vrai. Hein. C'est-à-dire que les gens qui avaient le bac technologique poursuivaient leurs études au lieu de rentrer sur le marché du travail. Et donc on a eu un rapport qui a été présenté par l'UIMM qui s'appelait « Bachelier dans l'industrie ». Donc le syndicat des métallurgistes. Oui, de la métallurgie, c'est le numéro un des syndicats industriels, disons. Hein. Donc ça nous a alertés, on a vérifié que les poursuites d'études des bacheliers technologiques ont chuté de l'ordre de 80%, je crois. Le ministre voulait à tout prix qu'on enclenche le bac pro à la rentrée, parce qu'il savait que c'était la dernière année sous le règne de la majorité de l'époque. C'était au mois de mai. Et donc moi, ça n'a pas été très difficile, parce que j'entendais tous les discours dans les CPC, hein, dans les commissions professionnelles que l'on consultait. Et donc dans le secteur industriel, il y avait un secteur qui était très demandeur d'une formation intermédiaire, hein, c'était la maintenance. Et alors vous évoquiez, Benoît Bouix, les CPC, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était à l'époque ? Alors, c'était un lieu obligatoire de consultation des partenaires sociaux sur tous les diplômes professionnels. Donc, il y en avait à l'époque 19, chacune représentant un champ professionnel. Le bâtiment, la chimie, l'habillement, le commerce, banque, assurance, enfin, tous les sanitaires sociales. Et tout diplôme, toute création de diplôme, suppression ou modification est soumise à ces instances. Vous avez l'impression que les CPC auraient voulu peut-être avoir un peu plus la main sur les CAP ou sur les formations qui permettaient l'apprentissage ? Oui. Non, mais moi-même, à une époque où on consultait sur des réformes des CPC, j'aurais souhaité donner un pouvoir beaucoup plus fort aux professionnels. Et pourquoi vous pensez qu'il fallait à l'époque un pouvoir plus fort aux professionnels Moi, je pense que, si vous voulez, dans l'éducation nationale, on raisonne beaucoup en double finalité des diplômes. C'est-à-dire ? À la fois accès à l'emploi et poursuite d'études. Alors, je pense que c'est une erreur. Bon. Et quand le bac professionnel a été créé, moi, on m'avait dit de le profiler sur 80% d'accès à l'emploi, 20% de poursuite d'études. Ce que j'ai essayé de faire. Hein, mais bon. Donc, la tendance générale du système éducatif, c'est de dire qu'il faut encourager la double finalité du diplôme. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a toujours une finalité qui l'emporte, et que dans l'éducation nationale, c'est la finalité poursuite d'études. Et quelles sont les conséquences ? C'est la dépréciation de la dimension professionnelle des diplômes, et d'une certaine manière, la valorisation de la dimension générale qui facilite les poursuites d'études telles qu'elles sont organisées en France. C'est vrai, évidemment, qu'il y a une hiérarchie des savoirs. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est les savoirs appliqués, les savoirs d'expérience, les savoirs instrumentaux sont dévalorisés dans le système scolaire français, voilà, dans l'enseignement général. Vous regardez le nombre d'heures qu'on consacre à des savoirs, disons, un peu appliqués au collège, c'est très faible. C'est la technologie, c'est sciences et vie de la Terre, où il y a quand même des connaissances là qui sont liées à la vie réelle, et puis dessin, enfin, art plastique et musique. Pour le reste, vous êtes dans des savoirs très théoriques dont il faut accepter qu'ils prennent sens qu'au bout de 7, 8, 10 ans d'études. Tout le programme de collège est fait pour préparer le bac général. Or, à l'époque, il n'y avait que 30% des gens qui avaient le bac général, et pour le moment, il n'y en a toujours que 40%. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 60% des gosses au collège à qui on demande d'être des bons élèves dans des disciplines dans lesquels ils ne seront pas interrogés ensuite, enfin dans lesquels ils ne suivront pas. Donc oui, il y a un problème français de ce côté-là. Je crois que tout diplôme, en fin de compte, a trois valeurs. Il a une valeur d'échange, c'est-à-dire avec tel diplôme, je peux prétendre à quelle place sur le marché du travail. Bon. Il a une valeur d'usage, c'est-à-dire qu'un diplôme présuppose du savoir. Qu'est-ce qu'on en fait de ces savoirs, que ce soit dans son travail, bien sûr, mais aussi dans sa vie personnelle ou dans sa vie citoyenne. Et je crois qu'on oublie un peu, ça a une valeur symbolique aussi, un diplôme. C'est une valeur pour soi, pour l'image de soi. Or, les tendances actuelles tendent à ne prendre en compte que la valeur d'échange. Alors, l'enseignement professionnel distribue encore des diplômes à des jeunes dont c'est les premiers de la famille à avoir le diplôme. Et donc, tout rabattre sur la valeur d'échange me semble complètement réduire la volonté historique, en quelque sorte, de l'enseignement professionnel, et notamment sa volonté émancipatrice, qu'on est complètement en train d'oublier. Il y a un discours qui est très très ancien en réalité, qui a plus d'un siècle, hein, qui est le discours de la revalorisation de la voie professionnelle. Et revaloriser la voie professionnelle ici, ça a voulu dire lui donner un cachet scolaire, quoi. Donc comment donner un cachet scolaire à la voie professionnelle, hein, la tactique d'une certaine manière la plus commode a été de créer un bac. Hugo Paletta, chercheur. Mais effectivement, ça n'a trompé personne. Bon, au sens où ça n'a, d'un seul coup, on n'a pas vu effectivement affluer des enfants des classes favorisées vers ce nouveau bac. Hein. Ce bac est apparu comme la poursuite d'études pour ceux qui faisaient un BEP à l'époque, et donc plutôt pour des enfants de milieu populaire. Ce qui a quand même changé, c'est que c'est un bac, et donc ça effectivement, ça donne accès à l'enseignement supérieur. Donc ça a créé une sorte de passerelle entre la voie professionnelle et l'enseignement supérieur qui n'existait pas vraiment. Donc ça a quand même, d'une certaine manière, ouvert l'horizon scolaire pour beaucoup de lycéens professionnels, et d'une certaine manière, comme les choses n'ont pas radicalement changé par ailleurs, ça, je crois, a intensifié les frustrations, en fait, scolaires et sociales. Eh bien, la tentation, c'est de dire, bon, bah, on va supprimer ces frustrations en supprimant la voie d'accès entre le bac pro et l'enseignement supérieur. Et je crois que ça suffira pas, pour le coup. Les vannes sont ouvertes d'une certaine manière, et beaucoup de bacheliers professionnels ne veulent pas se satisfaire simplement du sort qu'on leur fait, quoi. Et je pense que la question serait plutôt de voir comment on aménage l'enseignement supérieur de telle manière qu'en tout cas, une partie au moins des bacheliers professionnels puissent y avoir leur place. Donc, on pose une norme, qui est effectivement la norme du bac, qui a des effets sur ceux qui ne le passent pas, ceux qui ne l'obtiennent pas, ceux qui n'ont que le CAP, pour lesquels ça exerce quand même une violence symbolique importante. Et c'est toujours le problème. On élève sans cesse le plafond sans se poser la question des dégâts qu'on fait au plancher, en quelque sorte. Sauf que ça finit par faire des effets de déclassement des diplômes eux-mêmes, mais c'est la norme qui est posée. Et en même temps qu'il y a cette norme qui est posée, je crois que ça en crée une autre, dans ce même moment, qui est celle d'une espèce d'angoisse sociale sur le non-diplômé ou le non-qualifié. Le non-diplômé est quasiment aujourd'hui déviant. Celui qui n'a... Voilà, alors déviant, pas délinquant, hein, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme encore, mais il est considéré comme déviant et il donne lieu à des politiques sociales, etc. Quelle était la place qu'on réservait dans cette création du bac pro aux enseignements généraux ? Bon, alors, en ce qui concerne les matières générales, je dirais que, évidemment, ils avaient une très grande place. Pourquoi ? Et cette place était nécessaire, et c'est même l'importance qu'il fallait donner à ces disciplines générales qui a fait en sorte qu'on a proposé que le bac pro se prépare en 4 ans après la classe de 3e, plutôt qu'en 3. Parce qu'on récupérait dans ces classes, très souvent, des élèves qui n'avaient pas tout à fait le niveau nécessaire, hein, pour préparer un bac en 3 ans, et notamment dans le domaine des formations générales. Pourquoi et au nom de quoi les élèves de l'enseignement professionnel qui préparent le bac professionnel n'auraient pas de bac d'enseignement de philo, alors que leurs collègues qui sont en train de préparer le bac général ou le bac technologique l'ont. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on estime qu'ils sont incapables de penser ? Je crois qu'il y a un énorme boulot fait par les élèves du lycée professionnel, des profs du lycée professionnel, essayer d'adapter la transmission du savoir, pas d'y renoncer, hein, de l'adapter effectivement au public spécifique qu'ils ont. Mais ça ne suffit pas pour compenser lorsqu'ils rejoignent effectivement, comme en BTS, des élèves qui ont suivi d'autres filières où là, leur connaissance en histoire, en lettres, leur apparaît assez insuffisante et ils le vivent un petit peu comme une violence. Alors, cet enseignement de la culture générale, elle est adaptée. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'elle perdure. Et justement, si on veut que ce bac professionnel permette à certains, en tous les cas ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires, de continuer dans le supérieur. Sinon, c'est plus la peine de l'appeler bac si, effectivement, on enlève cette ambition de culture générale qui est associée au savoir professionnel et à la culture technique qu'il y a avec le bac pro. En 2009, le gouvernement donc a réduit de 4 ans à 3 ans la durée de scolarité pour préparer le bac professionnel après la classe de 3e. Et c'était, je dirais, une mesure qui a été extraordinairement contre-productive. En ce sens qu'elle a abouti en, notamment à une diminution du niveau de compétence des élèves. Et donc ça n'a certainement pas été une bonne mesure. Passer de 4 ans à 3 ans, ça économise 25% des moyens. Hein, donc à une époque, je crois que c'est M. Darcos qui a fait cette opération. C'était une opération un peu facile à faire parce que c'était vendable au système éducatif en général et puis il y avait derrière une forte économie. Mécaniquement, ça réduisait les besoins en matière de professeurs. À une époque où Sarkozy disait qu'il fallait ne pas renouveler un fonctionnaire sur deux, mais tous les gouvernements sont restés dans cette philosophie de « il faut limiter l'emploi public », etc. Bon, et donc effectivement, hein, c'est un moyen d'austérité assez simple. Effectivement, les parents des élèves en lycée professionnel vont sans doute moins... se bagarrer contre ces réformes, vont peut-être moins élever la voix, se sentir légitime à contester cette réforme et ces réformes-là. Et puis, je vous dis, avec ce système d'alternance entre des stages et les périodes en cours, c'est très facile hein, de baisser le nombre de profs. D'ailleurs, on n'a pas cessé d'augmenter le nombre de semaines en entreprise hein, depuis la création du bac pro au milieu des années 80. Hein. On était dans une situation où on avait la moitié des élèves qui s'arrêtaient avec un BEP. Et qui ne poursuivaient pas en bac professionnel. Donc on avait un système où on avait un palier qui était le BEP, où on perdait la moitié des élèves. Aujourd'hui, et c'est la grande force de l'enseignement professionnel, d'avoir contribué à l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, puisque nous amenons davantage d'élèves au niveau du baccalauréat, et on amène davantage d'élèves par la voie professionnelle. Donc voilà ce qu'a permis la réforme du bac pro en 3 ans. Fondamentalement, je pense que, d'une certaine manière, il y a une entreprise de destruction du lycée professionnel tel qu'il a pu exister à une certaine époque. Donc, il y avait derrière le projet du lycée professionnel après-guerre, quand même toute une philosophie de ce qu'on appelait à l'époque l'humanisme technique, réconcilier le travailleur et le citoyen, etc. Bon, tout ça c'est fini, c'est-à-dire que ce qu'il faut dans l'esprit de ceux qui gouvernent actuellement, ce qu'il faut c'est des travailleurs uniquement préparés à effectuer certaines tâches, qui n'auraient pas l'idée d'aller en plus dans l'enseignement supérieur, puisque toute la réforme Parcoursup en fait vise à empêcher les bacs pro d'aller dans l'enseignement supérieur. Et les premiers éléments qui sont sortis dans la presse à l'époque, c'était le scandale que représentaient ces bacheliers professionnels dont on disait qu'ils n'avaient rien à faire à la fac, qui par ailleurs échoue, et donc il y avait tout un discours qui disait bon, c'est pas leur faire un cadeau que de les laisser aller à l'université, et donc il faut d'une certaine manière, c'est pour leur bien qu'on va leur interdire l'entrée à l'université, et qu'on va instaurer une forme de sélection, puisque c'est ça hein, Parcoursup, c'est on va sélectionner le public, c'est pas autre chose, et donc les bacheliers professionnels seront assez nécessairement évincés de ça. Alors par ailleurs, il y a des choses qu'il faudrait dire, c'est que d'abord la plupart des bacheliers professionnels ne continuaient pas leurs études. Et quand ils le faisaient, ils le font toujours d'ailleurs très massivement à travers le BTS. Et par ailleurs, quand ils le font à la fac, ils le faisaient notamment pour les bacheliers, par exemple, gestion administrative, à travers la filière AES, hein, administration économique et sociale, qui est un débouché en fait assez naturel en fait pour des bacheliers professionnels de gestion administrative. Donc il n'y avait pas de scandale du tout à aller voir fréquenter cette filière universitaire. Alors effectivement, on peut toujours broder sur des exemples très individuels de bacheliers professionnels qui se retrouvent mécanique auto, qui se retrouvent en sociologie, etc. Ça, de toute façon, tout arrive. Hein. Mais en fait, ça a été utilisé comme une manière de justifier une réforme qui par ailleurs instaure un nouveau système de recrutement et donc par voie de sélection à l'université. Mais donc évidemment que ce sera un frein à la poursuite d'études des bacheliers professionnels. Comme les gouvernements sont incapables de résoudre la crise de l'emploi et que toutes les mesures qu'ils mettent en place, notamment d'exonération de cotisations sociales ou d'argent donné aux entreprises via le CICE, etc., ne fonctionnent pas et ne fonctionnent pas depuis 30 ans, bien la conséquence est que davantage de bacheliers professionnels continuent leurs études. Bon, et ceux qui sont à blâmer en la matière, c'est pas eux, c'est les gouvernements qui sont incapables de résoudre la crise de l'emploi. Donc non, là on est dans une absence de solution hein, qui est offerte aux bacheliers professionnels et aux élèves et à leurs familles. Avant c'était 80%. Et maintenant on proclame que quasi 90% d'une génération a le bac. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'on parlait du bac général, de mon bac, autant dire du vrai bac. Mais le bac pro, il a aussi servi à ça, à tenir une promesse socialiste et à faire exploser les compteurs. Sur les 90%, 25% passent le bac pro et 20% le bac technologique. Et avec la réforme du bac pro de la rentrée 2019, le pourcentage d'admission n'est pas prêt de baisser. On a besoin de la voie professionnelle scolaire, car c'est grâce à elle qu'on va pouvoir faire s'épanouir des individus dans notre société. Céline Calvez, je suis députée des Hauts-de-Seine et je suis missionnée pour transformer la voie scolaire professionnelle. Février 2018, Céline Calvez, autrice avec Régis Marcon d'un rapport sur la vie professionnelle scolaire, remis à Jean-Michel Blanquer. Alors c'est quoi la voie scolaire professionnelle ? C'est en fait tous les élèves, 700 000 élèves qui sont dans les lycées pro. Il faut bien se rendre compte que c'est un lycéen sur trois qui se trouve dans la voie professionnelle scolaire. Comment on adosse la voie professionnelle à scolaire ? En fait, c'est parce qu'on a fondé cette voie sur l'alternance entre ce que l'on va enseigner en lycée pro et ce que l'on va découvrir et pour lesquels on va se former au sein des entreprises ou des administrations. Nous, dès la seconde, on va proposer une découverte de différents métiers. Et cette découverte, c'est toute une palette. Je peux faire un stage, je peux faire une visite d'entreprise, je peux m'entretenir avec un professionnel. Et ça, c'est le moment pour éclairer le choix. Il faut pouvoir l'organiser, le proposer. Et c'est là où tout le lien entre le monde économique et le monde de l'éducation va dans le bon sens. Il faut créer ces occasions de découverte pour créer des véritables choix. Très clairement, nous avons demandé au recteur que les BTS soient véritablement ouverts très très largement aux élèves de baccalauréat professionnel. Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire. Ensuite, il y a trois axes. Il y a un premier axe qui est de baser la réforme sur la mise en place, l'émergence de campus des métiers et des qualifications qui sont des campus d'excellence. Deuxième élément, être toujours à la pointe dans les formations et les diplômes. Et pour ça, il faut renouveler nos diplômes et nous allons les renouveler tous les cinq ans. Puis le troisième axe, c'est l'innovation pédagogique. Et l'innovation pédagogique, c'est de confirmer le fait que dans les lycées professionnels, on enseigne autrement. On enseigne autrement et on met en place, par exemple, davantage de co-intervention, c'est-à-dire le fait que des professeurs des enseignements généraux et des enseignements professionnels puissent intervenir en même temps, ce qui permet de donner du sens à la fois aux enseignements généraux pour les élèves, mais aussi la dimension du geste professionnel. Et ça, c'est une innovation importante. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une grosse partie des élèves qui ont surtout besoin d'étayage culturel, qui ont besoin de réfléchir, d'apprendre à penser, et on pense pas avec une fiche technique. Ça fait pas penser une fiche technique. Ce qui fait penser, c'est le réel. Et donc le réel, ben on y accède par un texte littéraire, on y accède par une photo, un paysage, on y accède par une visite urbaine. Et du coup, ben là, ça va être beaucoup plus compliqué de faire tout ça. Prune Hébert, enseignante. La colère, d'abord, elle procède du fait qu'il y a une grande réduction du nombre d'heures d'enseignement général, et notamment en français, histoire, géographie, enseignement moral et civique. Pour vous donner un exemple, le dernier BO, donc de répartition des heures sur le CAP, c'était 3h30 d'enseignement pour ces trois disciplines. On passe aujourd'hui à 2h. Quelle est la situation aujourd'hui ? On est dans une situation aujourd'hui où le nombre d'heures de cours en baccalauréat professionnel est presque équivalent à la durée légale du travail, c'est-à-dire 34 heures, 34 heures et demie. Ça pourrait être acceptable si on était les champions du monde de la réussite. Or, c'est pas le cas. Nos élèves n'ont pas obligatoirement des taux d'insertion dans toutes les filières qui sont extrêmement bons. Donc, ce qui montre bien que ce n'est pas, à partir d'un certain seuil bien sûr, mais le fait de rajouter une heure qui permet de mieux faire réussir. C'est vraiment d'innover, d'enseigner autrement. Alors, effectivement, hein, il y a une légère contraction des heures, je dirais, traditionnelles telles qu'on les connaît jusqu'à présent. Mais quand vous avez de la co-intervention, quand vous avez de la consolidation, quand vous avez des modules spécifiques, ben, inévitablement, c'est une autre manière de faire du français, des mathématiques, des sciences, de l'histoire. C'est une autre manière aussi d'aborder la formation professionnelle. La première chose qui m'inquiète, c'est que on va perdre notre métier. Moi, je suis professeur de lettres histoire, ça fait donc 6 ans que je suis enseignant, et je suis professeur de français, lettres, et d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Je sais d'ores et déjà que les disciplines qu'on enseigne, au vu des programmes qui viennent d'être confectionnés en 2 mois et demi, sont désormais beaucoup plus au service de l'emploi, de la voie professionnelle, de la professionnalisation plutôt que de la citoyenneté, de l'esprit critique, de toute autre forme d'apprentissage utile, je crois, tout autant à nos élèves. Le fait que le volume horaire diminue nous laisse penser que des sujets d'études en histoire, en terminale par exemple, vont être supprimés. Lequel on supprime parmi les quatre sujets d'études? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est un problème. La question de la décolonisation, la question des génocides aussi au XXe siècle, enfin à la fin du XXe siècle, c'est également important. Est-ce que ça, on va pouvoir continuer de le voir? D'aller éventuellement dans un mémorial, d'emmener les élèves voir un camp de concentration à Drancy, par exemple, comme je le fais avec mes élèves. Je n'en sais rien. Jusqu'à présent, on avait le temps, on pouvait discuter avec les élèves. Est-ce que ça va être encore possible? Non. Clairement, non, ce ne sera plus possible. Que ce soit en art, en français, en histoire, géographie, on fait des sciences humaines, on fait de la culture, C'est ça dont beaucoup de nos élèves ont besoin. Et peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, en vérité, parce que c'est ceux qui en ont sans doute le moins bénéficié en raison de leur origine populaire, qui font que l'étayage culturel, il n'est pas toujours évident. J'ai des élèves qui ne voient pas leurs parents parce que leurs parents travaillent la nuit, par exemple. En effet, c'est difficile. Et si ça a été toujours comme ça quand ils étaient petits, qui leur a raconté des histoires? C'est nous qui leur racontons, quoi. Et on n'a plus le temps pour ça. Prune Hébert, est-ce que ça vous fait hésiter par rapport à l'idée de rester dans la filière professionnelle, de continuer à enseigner cette réforme? Oui, moi j'ai envie d'enseigner la culture humaniste, donc je réfléchis aux moyens de pouvoir continuer de le faire, et ce sera avec une immense tristesse que je quitterai l'enseignement pro. Bon, il faut être clair, la vertu classique que l'on attribue à l'éducation de former l'esprit critique, la capacité à appréhender le monde de manière critique, de l'interroger de manière réflexive, etc. Ça, je veux dire, les gouvernements successifs ont à peu près rien à faire. Je veux dire, on est dans une époque où l'important, c'est que chacun se tienne bien à sa place, que on soit chacun l'entrepreneur de soi-même sur le marché du travail, qu'on soit actif, qu'on devienne des premiers de cordée, pour reprendre l'expression de notre cher président. Mais l'esprit critique est complètement bazardé. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est monnayable sur le marché du travail. Au contraire, quelqu'un qui a de l'esprit critique, c'est quelqu'un qui va peut-être s'organiser collectivement, se syndiquer, ne pas accepter les ordres, etc. Bon, c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de l'esprit néolibéral qui s'est emparé de toutes les politiques publiques, de l'emploi, de formation, et par ailleurs du management en entreprise. Le patronat n'a pas forcément intérêt à avoir en face de lui des salariés particulièrement bien formés, quoi. Donc ni éclairés, ni critiques, ni même tellement bien formés. Donc ça renvoie là encore à la crise de projet de l'enseignement professionnel, hein. Pour imaginer aujourd'hui la voie professionnelle, il faut rompre avec plusieurs décennies maintenant de néolibéralisme éducatif, hein, qui ramène la fonction d'éducation à simplement la formation de la main-d'œuvre. Bon. On a terminé pour aujourd'hui. Donc là, je vous demande de très bien nettoyer la pâtisserie, comme d'habitude, et ensuite vous irez manger. You were always trying to fill the void, my brother. And I've been so old. Trying to find that something new. Never steer in the arms of a lover. Seeking darkness wherever light may shine through. Merci à Hugo Paletta, Prune Hébert, Vincent Troget, Corinne Gleyman, Gilles Moreau, Guy Brussy, Germain Filoche, Jean-Marc Huard, Jean-Pierre Chevènement, Benoît Bouix, Daniel Bloch et Corinne Maillard. Avec un petit coup de main de Zineb Souleymani, Archivina Clarimonac et Manuela Dubessy. Prise de son, Cyprien Creton, François Rivalan, Yvan Turc et Laurent Lucas. Petite histoire de l'enseignement professionnel, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Doria Zénine.